Eclipse, Radio du Monde, le son en devoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Il est 22h30, passé de quelques minutes, et il est 14h30 à Montréal. Pourquoi je parle de Montréal ce soir? C'est parce que j'ai une invitée un peu particulière, puisque d'ici un petit quart d'heure, vous allez avoir droit sur les ondes du 89.7 FM. Un mix qui a été créé par Alexandra, et je vais vous en parler un peu plus longtemps juste après un petit mix, parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu faire la rencontre d'Alexandra qui est animatrice. Donc voilà, je fais un petit Facebook comme ça, juste pour dire coucou. Là, je vois qu'il y a Olivier, je vois qu'il y a JL, voilà. Donc voilà, ça fait plaisir de les avoir. On va passer un petit mix d'abord d'un groupe que vous connaissez bien, que vous avez déjà eu l'occasion plus ou moins de voir ici dans les studios ou de les entendre. Je veux bien sûr parler du groupe Dagest avec Fred et Davidet. Il y aura dans ce mix aussi un petit Trisomie 21 que j'affectionne beaucoup. Je fais des gros bisous à Philippe Lompré. Et on reterminera par un petit titre de Dagest, et on se retrouvera tout de suite après pour le lancement de cette première collaboration qu'on a entre Alexandra et puis moi-même sur Radio Boomerang. Voilà. Donc on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Je vais couper le Facebook, les amis. Ah bah non, non, bah non. Je vois qu'il y a du monde. Je vais pas couper le Facebook. Et puis donc on se retrouve tout de suite dans un petit quart d'heure. Le temps de se poser. Voilà, je reviens du boulot, donc je suis un peu essoufflé. Donc voilà, on se passe ces trois titres et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. same. I've died a million times since I was 21. Down the alleys of years, Et voilà, ça c'est le morceau de Daguez qu'il faut laisser jusqu'au bout. Le titre c'est The Dolls. On est sur le 89.7 FM, on est ensemble jusqu'à 22h30, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus en réalité. Non, je dirais pas voilà Dorothée. donc juste pour vous dire que bon, ce soir c'est une émission un peu particulière. Puisque grâce à nos amis d'Aguest, Fred et Davidé, qui ont fait un concert au Québec, donc c'est dans le cadre des foufounes. Alors ça c'est drôle parce que ça doit à mon avis pas avoir la même connotation que chez nous. Donc voilà, ils ont été interviewés par Alexandra qui a une émission sur une web radio qui s'appelle Crack Radio, donc qui se trouve à Montréal. Et son émission s'appelle Désordre Sonore, pardon. Donc cette émission, elle a lieu tous les jeudis de 10h jusqu'à 11h. Donc PM, je crois que ça doit être l'après-midi. Donc c'est 22h, 11h, il me semble. Je suis peut-être pas... Si AM, c'est avant et PM, c'est après. Donc voilà, c'est ça. Donc ça doit être 22h, 11h. Et donc voilà. Et puis donc je l'ai contacté. Et puis on a commencé à parler. Et puis on s'est aperçu qu'on avait aussi les mêmes goûts musicaux et je lui ai proposé tout simplement qu'elle m'envoie un mix avec ce qu'elle aime bien et donc ça s'est fait progressivement. On est quand même en relation depuis avant les vacances. Et donc là, c'est en fait ce soir que vous allez entendre le mix de Alexandra. Je vous donnerai les informations parce que c'est compliqué. Apparemment, sur Facebook, on ne peut pas partager des choses avec le Canada. le Canada peut partager avec nous, mais nous on peut pas partager avec le Canada, donc je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin bon bref, on a un petit peu galéré hier pour mettre tout ça en place. Et donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc ce sera la première émission de, mais je pense qu'il y aura une longue série là-dessus, puisqu'on va poursuivre nos échanges entre Montréal et Roubaix, de façon à pouvoir aussi avoir une petite collaboration, ce qui va être vachement sympa. Donc sans plus attendre, je vous laisse en compagnie d'Alexandra de Désordre Sonore sur Crack Radio Montréal, et qui nous a fait une petite playlist de ouf. Je vous laisse écouter tout ça. On se retrouve d'ici une heure et demie pour cette fin d'émission. Voilà. Allez, bonne écoute à vous toutes et à tous. Voilà. Alors un petit message aussi à Alexandra, je lui avais promis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Parce qu'elle avait demandé que je lui fasse une petite phrase en langue ch'ti. Alors je ne sais pas. Écoute chat, t'inquiète, Chavalier, l'émission elle va passer dans Schnorr. Ça devrait être bon. Faut juste que tu prévois de le bière et puis ça ira quoi. Allez, je t'embrasse, je te fais des gros bécos. Salut Cogine. Voilà. Le petit mot à la con, voilà. Allez, c'est parti pour l'émission d'Alexandra de Désordre Sonore sur Crack Radio à Montréal. Bonsoir tout le monde, bonsoir à mes cousines et mes cousins français, ici Alexandra Ressler de l'émission Désordre Sonore à Montréal, Québec. Tout d'abord, j'aimerais remercier Franck pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mon palmarès estival, mes meilleures découvertes darkwave de l'été. Je vous ai préparé un mix d'1h30 et dans ce mix, on va écouter du Sydney Valet, Cold Contrast, Vandal Moon, Replicant, Floating Ashes, Black Light, Echo Burial, Ash Code, Noro Machina, Art Symmetry, Manifesto et plus encore. J'aimerais aussi en profiter pour saluer mes camarades du groupe Die Guys, Frédéric et Davidé, ainsi que JL, que j'ai eu la chance de rencontrer à Montréal cet été au Fouf. Mais je vous envoie de gros becs du Québec et je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes de 89,7 Boomerang à l'émission Eclipse. I'm not afraid to Yeah.

reality. To find the thing that's meant for you and me, I access the past with a futuristic history, unlocking memories that were once just a mystery. Oh,

Voilà, et ben vous venez d'entendre un mix qui a été fait par Alexandra de Désordre Sonore. Donc voilà, Désordre Sonore, vous pouvez retrouver les informations sur le Facebook, vous tapez Désordre comme en désordre avec un S et Sonore avec un S également, et vous allez retrouver toutes les informations concernant cette émission. Donc si aussi vous avez l'occasion de pouvoir écouter en direct, donc vous pouvez aller sur crackradio.com et là vous tapez aussi pareil Désordre Sonore. Sinon aussi Alexandra a un Mixcloud. Donc là aussi c'est aussi vous allez pouvoir le trouver sur le Facebook également. Et voilà, donc moi je voulais lui faire des gros bisous, encore la remercier pour le temps qu'elle a passé pour préparer l'émission. Il y aura d'autres, comme je vous l'avais dit au début de l'émission, il y aura d'autres chapitres sur cette collaboration. Donc il y aura peut-être même, on est en train de voir pour essayer de faire un zoom, puisque quand il est 20h30 chez nous, il est 14h30 à Montréal. Donc on essaiera peut-être de faire un zoom en live sur une des émissions. Enfin franchement, je l'espère. Et puis donc pour la petite playlist d'Alexandra, il y a eu du Sydney Vallet, du Ultrason, du 2X Lumina, On No Man, Giant Waves, Air Absence Fills the World, Cold Contrast, Digital Drugs, Vandal Moon, Laurent Colson, DSMV, Cold Contrast, Apnoy, Repicant, Vandal Moon, Floating Ashes, Blacklight, Call Connection, Echo Beryl, Electric Nuit, H-Code, Supernova 1006, Nora, alors attendez, parce que là c'est un peu compliqué, Noro Machina, je vais y arriver, Ashimentry, Living Room, et on est terminé par un My Manifesto. Voilà, en tout cas, un grand merci à nos amis et cousins de Montréal, grand merci à toi Alexandra, et puis ben à très vite sur les ondes du 89.7. L'émission va se terminer, je vais vous proposer de terminer ça avec un petit mix d'une quinzaine de minutes. Vous allez retrouver, voilà, ça fera plaisir à Olivier, vous allez retrouver du She Passed Away, retrouver aussi du Cellophane et retrouver également, alors j'ai coupé le truc, j'ai aussi du Venin Carmin. Voilà, Venin Carmin et She Passed Away qu'on est allé voir au Black Lab ici la semaine dernière. Donc voilà, c'était une bonne découverte aussi. Enfin, pas She Passed Away, parce que ça fait longtemps que je connais, mais Venin Carmin, c'était aussi une super découverte. Donc voilà, je voulais en passer ce soir. Eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée à l'écoute de Radio Boomerang. La semaine prochaine, je reçois Kevin de Magnetic Rust pour la sortie de son 5e album. Donc là aussi ce sera une petite soirée sympathique. Voilà, vous allez retrouver toutes les infos sur le Facebook de Eclipse. Et également je remettrai aussi le podcast de l'émission de ce soir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao, bye. Dark your skin, dark your skin. Bisschen mehr, ein bisschen mehr Hass, ein bisschen Hass, bitte ein bisschen Hass. Bisschen mehr, ein bisschen mehr Hass, bitte ein bisschen Hass. Das Demo Radio klingt für alle diese Musik, für eure Kleidungsstücke, für alle Musik, für eure Kleidungsstücke von Fabriken produziert, in Massen produziert. Ein bisschen mehr Hass. Bitte ein bisschen mehr Hass. Ein bisschen mehr Hass, bitte, für alle diese Musik.